Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir de vous retrouver dans la Lanterne des Otaku, votre émission 100% Japon. L'été a pointé le bout de son nez et donc ce quatrième numéro va être très riche en contenu. Au menu du jour, donc, nous irons au milieu des serres Shika à Nara, qui est l'ancienne capitale du Japon, et vous allez être surpris, je vous le garantis. Le japonais dont je vous parlerai aujourd'hui a été un symbole pendant plus de 30 ans. Malgré les ambitions folles de conquête de son père Hirohito, l'homme en question a œuvré pour l'accomplissement de la paix en tant qu'empereur du Japon, il s'agit d'Akihito. Côté manga, donc, je parlerai de mon manga coup de cœur, les sorties et les conventions à venir. Enfin, mon samouraï du jour a fait du saké sa passion grâce à son entreprise qui va chercher les meilleures bouteilles et les faire goûter au public. Siméon Mola répondra donc à mes questions tout à l'heure. Mais avant, c'est l'heure des actus au pays des samouraïs. Il sera désormais interdit de consommer de l'alcool dans l'arrondissement de Shibuya, un quartier très très fréquenté par les Japonais et les touristes étrangers. En effet, la fermeture des bars pendant la crise du Covid-19 a permis à plusieurs personnes de boire dans les rues de ce quartier. Le problème a cependant persisté après la pandémie, ce qui a forcé les autorités à prendre ce genre de mesures restrictives. Cette règle, elle va rentrer en vigueur donc dès le 1er octobre 2024, entre 18h et 5h du matin, mais pour le moment, aucune amende n'est prévue en cas d'infraction, mais sait-on jamais. Les bars à Tokyo, ce n'est pas ce qui manque, donc il est bien normal de demander des efforts. 43%, c'est le pourcentage de communes japonaises ayant décidé de mettre en place la gratuité des repas dans les cantines scolaires. Selon une enquête du ministère de l'Éducation nationale, 775 municipalités ont pris cette mesure afin de laisser respirer les familles vis-à-vis des charges financières. Cette mesure vise à lutter contre la baisse des naissances, mais tout de même, tout cela coûterait quand même 3 milliards d'euros si celle-ci était appliquée sur l'ensemble du territoire japonais. Cela a donc le mérite d'y réfléchir. Enfin, l'empereur Naruhito et sa femme Masako sont actuellement en séjour au Royaume-Uni sur invitation du roi Charles III. Il s'agit de la deuxième visite du couple impérial depuis l'intronisation de 2019. Un programme royal était de mise avec un banquet au palais de Buckingham et une visite au château de Windsor avec le dépôt de fleurs sur la tombe de la reine Elisabeth II. Depuis les années 50, la famille impériale a effectué de nombreuses visites, de Hirohito en 1971 à Naruhito, sans oublier le père de Naruhito, Akihito, dont je parlerai tout à l'heure, qui a assisté au couronnement d'Elisabeth II. Pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Vous écoutez La Lanterne des Otaku, votre émission 100% Japon sur Fadjet. Let's get it on. It's all for one. 集まった players. 平行線重なった flavor. 共に歩く方向は明確。こんな日々をブレスアップ ASAP。僕らならどんな期待値も超えてゆく。To the top. ここから眺める頂上。動くイモーション。高鳴る行動。今すぐ set it up. 目指す場所は all the way up. またね。We've done. talking about. 아코갈레다미나 말했어 We can make it up. Depuis la première émission de la Lanterne des Otaku, je vous ai parlé de nombreuses villes, Kanazawa, Fujiyoshida et Osaka, donc des villes un petit peu hors des sentiers battus, mais la destination dont je vais vous parler aujourd'hui est originale et vous allez comprendre pourquoi, direction Nara. Comparé à Osaka, Nara ne brille pas par sa taille et son nombre d'habitants. À plus de 3 heures de train de Tokyo, elle compte à peine 365 000 habitants. Elle se situe dans la partie sud de l'archipel principal Honshu, et plus précisément dans la préfecture qui porte son nom. Pour autant, elle n'a pas à rougir en termes d'atouts touristiques, grâce aux fameux serres Shika, ce sont les stars de la ville. Ils ont la particularité de s'y promener librement. Vous voyez les vaches en Inde ? Eh ben c'est la même chose à Nara. Les Japonais et les touristes étrangers peuvent les approcher, les caresser ou même les nourrir, mais de manière raisonnable bien sûr, hein. Ne donnez pas de chocolat par exemple, c'est très dangereux pour leur santé. Attention, il y a eu des centaines de cas de morsures depuis plusieurs années, mais ça reste dérisoire par rapport aux millions de touristes qui se rendent à Nara chaque année. Malheureusement, les autorités locales ont été obligées de réguler le nombre de chikas en les chassant et en les tuant. Il faut savoir également que le Japon en compte plus de 2 millions, dont une partie se trouve à Nara. Si vous aimez l'aspect traditionnel, vous devriez vous perdre dans les quartiers de Naramachi. Vous y trouverez de nombreuses maisons en bois et de jolis bonsaï aux abords de ces maisons. Il y a aussi un musée de l'artisanat à ne pas rater. Et enfin, allez faire un tour à Ogangoji, l'un des plus anciens temples du Japon et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Enfin, pour ceux qui ont un petit creux, goûtez au Kakinkazuchi, des sushis propres à la ville de Nara qui sont enroulés dans des feuilles de kaki, saumon, thon, maquereau, il y en a pour tous les goûts. Nara, c'est un voyage pas comme les autres, au plus près des serres Shika. Plus de Japon, dans la lanterne des otaku, votre émission 100% culture japonaise sur Fadjet. Prayer, prayer, prayer. So now go, go, pray. Now go, go, go. Vous écoutez La Lanterne des Otaku, votre émission 100% Japon sur Fadjet. Le 8 août 2016, l'empereur Akihito s'adressa à la population japonaise pour faire part de sa décision d'abdiquer. Suite à cette initiative qui a surpris tout le monde, il a donc cédé sa place à son fils Naruhito et s'ouvrit l'ère Reiwa, qui signifie belle harmonie. Aujourd'hui, c'est l'histoire de son père, Akihito, un empereur attaché à l'accomplissement de la paix que je désire vous raconter. C'était un 15 août 1945, en pleine campagne japonaise. Alors que le prince Akihito était en pleine prière, celui qui était destiné à devenir le prochain empereur du Japon, juste après son père Hirohito, vit ce moment interrompu par des soldats ne souhaitant pas capituler face à l'armée américaine. Seulement, il s'agissait de personnes voulant l'instrumentaliser. Comme quoi, être prince n'est pas si facile que ça. Tsugonomiya Akihito ouvrit les yeux le 23 décembre 1933. L'empereur de l'époque, Hirohito, était rassuré de savoir qu'il s'agissait d'un garçon et donc d'un héritier. « Le prince est né !» s'exclamait la foule japonaise. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le tout jeune prince est né dans une période de forte tension internationale, entre l'ascension d'Adolf Hitler en Allemagne et le départ du Japon des Nations Unies, qui s'alliera avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste de Mussolini pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'âge de 3 ans, il fut séparé de ses parents, comme le veut la coutume impériale. Quelques années plus tard, il sera inscrit dans l'école primaire du groupe scolaire Gakushuin, qui avait l'habitude d'enseigner les fondamentaux à la famille impériale. Contrairement à ce que vous pouvez penser, aucun traitement de faveur n'est de mise. Tout de même, un tuteur est présent dans la salle de classe afin de veiller au bon comportement du jeune Akihito. Il était important qu'il puisse montrer l'exemple dès le plus jeune âge. L'agenda de l'enfant était bien chargé, où par exemple il devait rendre visite aux forces navales. Partout où il passait, l'enfant divin, comme on disait, se devait de stimuler les motivations des troupes. À l'âge de 10 ans, il devait être nommé officier de l'armée de terre et de la marine selon l'article 17 sur la loi de la famille royale qui stipulait que les princes impériaux devaient obtenir ce grade à l'âge de 10 ans. Mais son père refusa en raison de la situation sur le front de guerre qui devenait critique pour l'armée japonaise. En mars 1945, les bombardements américains pleuvaient sur une ville de Tokyo défigurée. Il était donc inenvisageable d'envoyer son héritier prendre le moindre risque. En parallèle, le prince suivit un programme intensif d'équitation. À ce titre, il s'était vu offrir 2 chevaux nommés Shizuka et Ashu. Curieux, certains de ses camarades se cachaient dans les buissons pour le regarder faire. Suite aux accords de Potsdam, Akihito retourna à Tokyo qui n'était plus qu'un champ de ruines. « Tout cela repose sur mes épaules », disait-il. En octobre de cette même année, le général américain Douglas MacArthur mettait en place la politique de l'occupation. Les proches de l'empereur furent emprisonnés et même le premier ministre de l'époque mit fin à ses jours pour signifier sa non-capitulation. Quant au jeune prince, il reprit sa scolarité dans le collège du même groupe scolaire. Afin de favoriser la survie de la famille impériale, l'empereur Hirohito demanda à engager une professeure d'anglais qui ne devait pas être familière avec la culture japonaise. Toute la communauté internationale se retrouvait surprise par cette décision. Pour Hirohito, la démocratie commence par l'éducation. Les collégiens accueillaient avec beaucoup de bienveillance l'enseignante, malgré les difficultés pour eux de s'adapter à une nouvelle culture si radicale de la leur. Dans les années 50, alors que la guerre de Corée faisait rage, le lycéen Akihito ne cachait plus ses ambitions et se prononça contre le réarmement du Japon en se basant sur les principes de la nouvelle constitution japonaise. Alors qu'il fut nommé héritier de l'empereur, il entreprit une série de voyages en commençant par l'Angleterre pour assister au couronnement d'une certaine Elisabeth II. Lors d'une compétition d'équitation en terre anglaise, la reine invita Akihito sur la terrasse de l'hippodrome. Tous les deux avaient 7 ans d'écart, lui 19, elle en avait 26. Quelques années plus tard, il fera la rencontre de celle qui deviendra la femme de sa vie, Michiko Soda, lors d'un match de tennis. Ils donneront naissance à Hironomiya Naruhito, l'actuel empereur du Japon. Suite à ça, le couple impérial avait pour ambition de se rapprocher de son peuple, et notamment près des habitants de l'île d'Okinawa qui se situe entre l'archipel principal et Taïwan, qui souffraient de la présence des bases américaines qui prirent la place de leur maison et de leur récolte. Aussi, à l'époque de la guerre, le gouvernement japonais ordonnait à la population locale de se suicider pour s'opposer à la capitulation face à l'armée américaine. Cette cicatrice, Akito l'a compris et n'a cessé d'être auprès d'eux. Il l'a prouvé en écrivant un poème dans la langue d'Okinawa. « Nous, les jeunes sur Terre, un monde sans guerre, à toutes ces âmes sacrifiées, ces fleurs nous dédions. » Le couple s'était également rendu en 2011 auprès des sinistrés du tsunami et de la catastrophe de Fukushima. Tout au long de leur mission et jusqu'à l'abdication en 2019, ils n'ont jamais cessé de se déplacer auprès de leurs citoyens et de prier pour ce qui leur est le plus précieux, la paix. Votre émission 100% Japon revient dans un instant sur Fadjet. C'en est donc fini de l'aspect traditionnel. Je voudrais maintenant vous parler de mon manga coup de cœur, une série nommée Frieren, qui est actuellement le vent en poupe. L'histoire commence donc avec Himmel, un jeune héros, Frieren, une elfe, le nain Aizen et Aether, un prêtre. Tous les quatre rentrent victorieux contre le roi des démons et reprennent une vie normale. Seulement, Frieren est une elfe très peu émotive, voire pas du tout, et bénéficie d'une longévité exceptionnelle. Par exemple, pour elle, 10 ans, c'est rien. Ce qui n'est pas le cas de ses autres camarades, dont deux d'entre eux mourront de vieillesse. Frieren se décidera à repartir donc à l'aventure avec de nouvelles rencontres, avec deux amis pour parcourir de nouvelles aventures et espérer revoir Frieren dans un autre endroit. Himmel dans un autre endroit. Cette série, dont le père est Yamada Kaneito, a vu le jour en 2020 au Japon. Elle connaît un succès très notable, avec plus de 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde en 2023. Ce qui me plaît beaucoup dans cette série, c'est tout d'abord cet univers fantastique, très captivant, à l'histoire originale. On a vraiment peu l'habitude de lire certaines séries où on ne sait pas ce que fait le héros principal après avoir accompli son but. L'univers fantastique qu'il propose, donc voilà, c'est vraiment, les décors sont vraiment super, voilà. L'action, il y a beaucoup d'action, les dessins sont très réussis. Bref, donc, à noter dans votre liste des lectures au bord de la mer. Pour le moment, donc, vous pouvez lire les 12 premiers tomes. Il y a d'autres, les autres tomes donc, sont prévus. Et aussi, donc, il y a une série animée adaptée sur ce manga qui est disponible sur Crunchyroll. Encore plus de culture japonaise avec la lanterne des otaku sur Fadjet. De belles sorties pour les fans de My Hero Academia et son tome 39 sorti le 6 juin, mais aussi pour les mordus de One Punch Man et son 29e volume paru en milieu de mois. Les nostalgiques de l'arc Marineford seront également heureux d'apprendre que le coffret de ce moment symbolique de One Piece est disponible depuis le 12 juin 2024. Le prix est quand même piquant, hein, compté environ 55 euros. Enfin, la sortie du 20e tome de Boruto trouvera satisfaction auprès des pros de Naruto. Pour ce qui est des conventions à venir, il m'est impossible de ne pas évoquer avec vous la Japan Expo à Paris qui se déroulera du 11 au 14 juillet 2024 au parc des expositions de Villepinte. Je vous recommande vivement de vous y rendre, je m'y rendrai également personnellement, car il y a cet équilibre un petit peu entre la pop culture et le traditionnel. Vous avez des groupes de musique qui viennent du Japon, des comédiens de doublage comme Arnaud Laurent, la voix iconique de Natsu dans Fairy Tail, mais aussi la découverte de l'artisanat dans le cadre de dans le cadre du côté traditionnel et de la mise en avant de certaines préfectures. Les prix varient en fonction des jours, ça peut aller de 25 à 30 euros, mais pour le moment là vous avez des réductions en ce moment sur les tarifs des billets, donc profitez-en avant qu'il ne soit trop tard. Vous écoutez La Lanterne des Otaku, votre émission 100% Japon sur Fadjet. Mon samouraï du jour se rend chaque hiver au Japon pour y brasser le fameux saké japonais et est fondé Osake aux côtés de Julien Cazorla pour y distribuer les meilleures bouteilles en France et à l'international. Pour les particuliers et les professionnels, il s'agit de Siméon Mollard. Avant de commencer l'interview, je précise que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut en consommer avec modération. Eh ben bonjour Siméon, merci d'avoir accepté l'invitation de Fadjet. Donc tout d'abord, alors j'ai une question assez simple. Pourquoi est-ce que vous êtes tant passionné que ça par le saké? Qu'est-ce qui vous fascine dans cette boisson? Alors bonjour déjà Léo, merci pour l'invitation. Pourquoi est-ce qu'on est aussi passionné? Enfin je dis on parce que il y a moi et mon collègue hein, on a créé Osake. On est passionné par cette boisson tout simplement déjà parce que on aime la culture japonaise, on aime le Japon et on a trouvé à travers cette boisson une formidable porte d'entrée à la culture du pays, pour aller dans des lieux où on n'aurait jamais espéré aller, rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais espéré rencontrer et vivre des moments super agréables quoi. Très bien. C'est une boisson qui est vraiment fantastique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept de votre entreprise Osake, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, Osake, à la base, c'est une entreprise, on importe du saké japonais. Donc, nous, en fait, on est experts en saké, spécialistes. On représente actuellement 7 sakagura. Les sakagura, c'est des brasseries à saké. Donc, 5 de taille plutôt confidentielle, qu'on est allé vraiment chercher au fin fond du Japon. Et puis une de taille, on va dire, plutôt semi-industrielle, qui est plus réputée. Et puis à côté de ça, on est aussi partenaire d'une brasserie à saké française, donc pour aider à la distribution, qui est les Larmes du Levant. Donc ça, c'est pour toute la partie distribution et import. Et à côté de ça, on est également formateur en saké, puisque vous le savez sûrement, le saké japonais, c'est un produit assez méconnu en France. Et on a besoin de faire connaître le produit en lui-même, et ça se passe par de la formation. Très bien. Les pros, les particuliers. Donc pour cela, on a créé un programme de formation exclusif qui s'appelle Ultimate Sake et qui permet de former les gens au saké japonais. Ok, donc je disais précédemment dans une de mes chroniques, donc vous vous rendez au Japon à peu près chaque hiver pour brasser vous-même le saké. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas la manière dont on fabrique le saké, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les grandes étapes dans les grandes lignes? Bien sûr. Alors effectivement, on y va chaque hiver pour brasser le saké dans des brasseries plutôt traditionnelles, donc qui font tout à la main. C'est des brasseries, pour vous situer un petit peu, il y a 1200 brasseries à saké au Japon. Il y en a une trentaine qui font du saké de manière très traditionnelle, comme nous on le pratique là-bas. Oui. Et donc le saké japonais, c'est un alcool issu de fermentation. Donc à l'inverse de ce qu'on croit, c'est pas un alcool fort. On confond souvent avec le saké chinois ou du sud-est de l'Asie. Donc ça se déguste, on va dire, un petit peu comme du vin. Même s'il y a quelques différences, ça accompagne le repas. Il y a des sakés pour l'apéritif, pour le dessert. Et dans la manière de le faire, en fait, c'est assez compliqué, c'est assez complexe. Il y a des étapes très importantes. On dit que le saké se fait dans la brasserie, c'est-à-dire que le brasseur saké va vraiment décider comment, quel style il va donner à son saké. Beaucoup plus que dans d'autres alcools, si je devais comparer avec le vin, où on dit que le vin se fait souvent dans la vigne. Le saké, lui, se fait dans la brasserie. C'est vraiment le maître brasseur qui décide. Okay. Alors, pour résumer rapidement, on prend le riz, on va le cuire et puis on va en saupoudrer une petite partie de kojikine, qui est un champignon unicellulaire, une moisissure noble qui va transformer l'amidon en sucre. Une fois qu'on a le sucre, on ajoute des levures et puisqu'on a ajouté des levures, on aura de l'alcool. Et tout ça se passe en même temps dans une cuve en fait où les fermentations sont en même temps, ce qui nous permet de monter jusqu'à 20 degrés en fermentation naturelle. Et puis après, on va le diminuer aux alentours de 15 degrés pour avoir un produit fini. D'accord. Et ça vous a pris combien de temps un petit peu pour apprendre ces techniques? J'imagine que ça s'apprend pas en un mois ou autre. Il faut beaucoup de temps d'apprentissage. Effectivement, oui, on est toujours en apprentissage. Ok. Donc, en fait, notre maître brasseur chez qui on a tout appris, qui nous a un peu pris sous son aile, qui a consacré sa vie au saké, ça fait 50 ans qu'il brasse du saké et il dit qu'il est toujours en apprentissage. Donc, j'aurais pas la présomption de dire qu'on a fini nous-mêmes. En fait, on dit au Japon qu'il faut 15 ans pour être maître brasseur, pour être toji. 15 ans. Ouais. Alors ça, bon, c'est pour avoir vraiment la capacité pour le faire. Après, on pourra accélérer le processus, mais oui, c'est. Je trouve en fait pour vraiment comprendre tout ce qui se passe derrière, c'est extrêmement long. Et nous, ça nous a pris longtemps, très longtemps. Surtout qu'on était au Japon directement là-bas et il fallait avec toute la culture japonaise, la façon dont il s'exprime aussi, il a fallu comprendre des choses qu'on ne nous disait pas forcément au début. Ok. Et ça a été quoi leur réaction aux Japonais qui vous ont appris leur saké quand vous êtes venus, vous leur avez demandé, voilà, je veux apprendre à brasser le saké. Est-ce que ça a été accueilli avec bienveillance Ouais, alors ça s'est pas tout à fait passé comme ça. En fait, nous, on avait décidé, on avait trouvé le produit fabuleux au Japon. Et on a rencontré un maître brasseur qui s'appelle Monsieur Ometsu, qui lui voulait exporter, ce qui était assez rare dans le monde du saké traditionnel à l'époque. Hein. Je parle de 2009 à l'époque où on s'était rencontrés. Et donc, nous, on avait goûté ce produit, on avait dit, ouais, c'est fantastique, on veut importer vos produits. Et puis lui, il avait dit, attendez, les deux petits jeunes, en gros, deux petits cons, calmez-vous. Déjà, pour importer mon produit, il va falloir comprendre mon produit, il va falloir... Voilà, venir avec moi au Japon et apprendre à le brasser, apprendre tout ce qu'il y a autour, apprendre la culture japonaise. Et après, on verra si éventuellement j'accepte de vous vendre mon produit. Bon, alors ça a pris deux ans et demi en gros. On a étudié le saké. Monsieur Ometsu est venu nous voir plusieurs fois. On est allé le voir plusieurs fois au Japon. Et puis au bout de 2 ans et demi, il nous a dit « Allez, j'accepte que vous importiez mon produit ». Bon, en réalité, on savait un petit peu avant. Et grâce à Monsieur Ometsu, les portes des autres brasseries traditionnelles se sont ouvertes. Une fois qu'il a, en gros, on a eu son aval, le tampon Ometsu Shuzo, et bien les autres brasseries traditionnelles qui le connaissaient forcément, on dit allez c'est bon, on va faire plus vite. Comme Ometsu vous fait confiance, on vous fait confiance aussi. Très bien. Vous parliez de l'export. Pour revenir en France déjà, avant de parler de l'international, est-ce que le saké vous avez pu trouver une clientèle? Oui. Sinon ça pue là. Mais une clientèle, alors au début c'était assez compliqué parce que on a tout de suite le frein du saké chinois des alcools forts qui fait qu'on pouvait pas vraiment s'adresser au grand public, ce qui est encore d'ailleurs le cas. En fait, notre première clientèle c'était les passionnés du Japon qui avaient qui avaient vu ce qu'était le saké à travers les mangas, les animes, etc., la culture japonaise en général, et qui eux étaient plutôt demandeurs. Donc au tout début, on s'adressait aux passionnés du Japon à travers les salons sur le Japon et des restaurants japonais, etc. Et puis, petit à petit, avec les formations, on a eu les sommeliers, même des sommeliers issus de restaurants français, qui se sont intéressés aux produits. Et maintenant, on a des sommeliers qui n'ont pas forcément d'intérêt particulier pour le Japon, mais qui ont un gros intérêt pour le saké en lui-même, et ce qui nous ouvre une toute autre clientèle, en fait. Est-ce que difficile de mettre en avant un alcool au milieu de tant de géants d'alcool français, du champagne, du Bordeaux, etc. En France? Alors forcément, en France, on est un petit peu chauvin. Donc oui, quand on arrive avec un alcool japonais au milieu des... et puis qu'on va parler sommelier en disant « Écoutez, j'ai du saké, vous voulez pas lui faire une petite place ?» Bah, des fois, on n'est pas forcément... Le sommelier, il est un peu interloqué. Mais on a la chance aussi que ce n'est pas du vin. Donc, on va jouer sur un autre niveau. Ok. En fait, le sommelier qui se forme au saké, ils comprennent très vite que c'est un complément au vin. Saké va là où le vin ne va pas. Et ça peut être Un excellent outil en plus. Vous serez présent à Japan Expo, c'est ça? Tout à fait. Paris. Donc, du coup, moi, je voulais vous poser une question très concrète. Je viens vous voir à votre stand, ce qui sera le cas. Je n'y connais pas grand-chose sur le saké. Qu'est-ce que vous me proposerez comme dégustation pour une découverte? Ouais. Alors, on vous propose déjà, nous, on a des sakés, on a à peu près une gamme représentative de ce qui se fait au Japon. C'est-à-dire qu'on a des sakés très traditionnels, des sakés donc plutôt qui vont accompagner la nourriture et qui se consomment plutôt chaud. On a également des sakés plutôt modernes qui se consomment plutôt frais dans un verre de vin. On a des sakés qui, pour l'apéritif, le dessert, assez facile d'accès, plutôt sur le fruit. Et donc, moi, si vous venez me voir en me disant « Je connais pas le saké, je veux découvrir ce qu'est le saké », je vais vous demander une chose. Par quelle porte vous voulez rentrer dans le monde du saké? Est-ce que vous voulez, on va dire, pas prendre de risques, et on va partir sur des sakés plutôt modernes, oui, qui vont vous servir frais dans un verre de vin, et qui vont être tout à fait agréables en apéritif? Ou alors, est-ce que vous voulez directement aller dans le traditionnel, aller sur des saveurs un peu plus désarçonnantes, c'est un peu plus spécial, on est sur un côté un peu plus végétal, plus sous-bois, et pourquoi pas l'essayer chaud pour avoir une expérience complètement différente. Mais j'ai envie de dire, on a là deux boissons vraiment différentes entre saké traditionnel, saké moderne, et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, tout le monde trouve son saké. Ouais. Et c'est quoi un petit peu la réaction des personnes qui vont déguster les différents sakés? C'est quoi leur impression? Alors, souvent, la surprise. la surprise parce qu'ils s'attendent quand même à quelque chose de fort malgré le facteur. Mais non, ce n'est pas fort. Et bon, on a beau leur dire, tant qu'ils ne l'ont pas goûté, ils ont du mal à l'accepter. Donc, surprise. Et puis après, souvent, enfin, même quasiment tout le temps, les gens sont agréablement surpris par la douceur, par ce qu'il y a derrière. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de boire. C'est une vraie expérience qu'on propose, en fait. C'est quelque chose, c'est une expérience gastronomique en elle-même. Et donc, c'est quelque chose qui les marque. Ok. Et en termes de pouvoir d'achat maintenant, est-ce qu'il est possible de se faire plaisir en achetant une bouteille de saké d'assez bonne qualité sans pour autant y passer les deux tiers de son revenu? Oui, tout à fait, c'est possible. Alors, je vais parler très concrètement en termes de chiffres. Alors déjà, il y a les petites bouteilles qui vous permettent d'acheter du saké pour moins de 10 euros. Oui. 10 et 15 euros. Et puis après, si vous voulez partir sur les bouteilles, on va dire normales, standard, de 72 centilitres, si vous voulez du saké de qualité, il faudra compter aux environs de 25 euros. 25 euros minimum. Enfin minimum, oui, on peut trouver un petit peu moins cher, mais voilà, c'est à peu près c'est l'ordre d'idée. D'accord, très bien. On démarre à 20 euros pour avoir du saké de qualitatif en Europe, et puis après, ça peut monter hein, jusqu'à 300, 400 euros, ça dépend des bouteilles. Ok. J'écoutais le podcast Tabibito, que je recommande vivement d'ailleurs, animé par Laureline et puis Olivier. Vous évoquiez un peu le projet de pouvoir fabriquer du saké 100% français. Où est-ce que ça en est? La brasserie à saké a été faite. Oui. Donc elle est, ça s'appelle les Larmes du Levant. Hein. C'est à côté de, enfin, c'est entre Saint-Étienne et Lyon. Donc alors nous on n'est pas les gérants de ce projet. Hein. C'est le gérant de cette brasserie. Il s'appelle Grégoire Boeuf. D'accord. C'est un ami qui, en fait, on avait discuté au début. Il adorait le saké. Et nous aussi. Et nous on voulait créer une brasserie à saké, mais on n'avait pas le temps, pas l'argent, pas les capacités, etc. Et lui, il avait dit bah écoutez, moi votre projet ça m'intéresse, je vais le faire. Et du coup on l'avait accompagné pour qu'il puisse créer sa brasserie. Et ça a été créé en 2017. Oui. Et donc c'est une brasserie qui marche plutôt bien, qui fait des sakés très qualitatifs. Traditionnel, parce que Grégoire est allé se former chez Monsieur Umetsu, le même qui nous a formé nous, puisque forcément, on l'a aidé, on l'a accompagné, donc on lui a permis de rentrer dans le réseau aussi, par notre réseau. Et voilà, il fait des super produits qui sont plutôt bien accueillis par les Français. Très bien. Oui. Non, non. C'est... Alors du coup, alors là, c'est des questions un peu plus générales, un peu plus personnelles. Vous avez voyagé donc plusieurs fois au Japon. C'est quoi un peu vos endroits préférés? Si vous aviez un top 3 des destinations à conseiller aux personnes qui comptent peut-être aller au Japon pendant l'été ou pendant l'automne, ça serait quoi un petit peu votre top 3? Alors, mon top 3 personnel est très différent du top 3 que je conseillerais à des visiteurs pour la première fois. Alors, forcément la première fois, et puis je peux vous en parler concrètement parce que j'emmène des amis pour la première fois au Japon cet été. On va pas passer à côté des grands du Tokyo, du Kyoto, le Kansai en général. Oui. Et puis, pourquoi pas les Alpes japonaises en plus. Donc ça, c'est pour le visiteur. Quand on arrive au Japon pour la première fois, je trouve que c'est un impondérable. Après, personnellement, moi, j'adore le Kansai. J'ai vécu à Osaka, c'est vraiment une ville que j'adore, Osaka, Himeji, et puis j'adore Totori, qui est vraiment dans la campagne, on va dire la campagne, ouais, la mer intérieure du Japon. Oui. Et donc c'est vraiment deux endroits que je recommande, qui sont très différents l'un de l'autre, bien sûr, puisque Totori, ça, c'est la campagne complète où il y a très peu de touristes, alors qu'Osaka, vous connaissez Osaka, hein, c'est la fête, c'est la grande ville, c'est pour un bilouf. Oui, le garde-manger du Japon. Exactement. Ok. Et donc, ma dernière question. C'est quoi un petit peu votre définition de la culture japonaise pour vous? C'est quoi votre propre définition à vous? Vaste question. On a combien de temps? 2 heures? 3 heures? Il reste peu de temps, mais allez-y. Très bien. Non, je vais faire court. Comment moi je le perçois quand on me dit culture japonaise? Pour moi, ça reste un mystère passionnant parce que alors ma conjointe est japonaise hein, et j'ai l'impression que tous les jours je découvre une nouvelle chose. Alors ça fait 15 ans qu'on est ensemble, ça va très très loin. C'est quelque chose qui est vraiment très propre au peuple japonais. Je sais pas s'il y a d'autres pays où la culture est aussi ancrée. Et en même temps, j'ai envie de dire, complètement paradoxalement, c'est assez superficiel parfois. puisque au détour en fait de mes conversations avec les Japonais, hein, quand je leur demande, des fois il y a des gestes que je comprends pas, des choses qu'ils font que je comprends pas, et des fois quand je leur demande la signification, souvent eux-mêmes ne savent pas. D'accord. Ils font ça parce que leurs parents faisaient ça, etc., et que ça se fait. Et donc voilà, je trouve que c'est un amalgame de tout ça, et c'est assez fabuleux en fait, de voir jusqu'où ça peut aller d'un côté, et puis jouer un peu le folklore aussi de l'autre. Très bien. Ok. Eh ben, merci Siméon. Donc, je rappelle que vous serez présent donc à Japan Expo, donc qui se déroulera donc du 11 au 14 juillet à Paris, plus précisément au parc des expositions de Villepinte. Donc, pour ceux qui veulent tenter l'expérience de goûter à du vrai saké, donc n'hésitez pas à aller voir Siméon et aussi à prendre votre ticket pour la convention. Et donc, n'oubliez pas aussi le site Osake si vous souhaitez offrir une bouteille à vos amis. Voilà, merci Siméon. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de la lanterne des otaku. Je précise qu'il n'y aura pas d'émission pendant les grandes vacances. Je serai très heureux de vous retrouver à la rentrée. Je tiens tout d'abord à remercier Fadjet qui m'a fait confiance pour cette belle émission. Je remercie chaleureusement les invités que j'ai reçus depuis la première émission, donc Fedo Lamodière, Mangaka, Claude Schneider, organisateur de la Japan Weekend, et Charles Colombo, donc le chef étoilé donc à la maison dans le parc, et bien sûr donc Siméon Mollard, donc dirigeant de l'entreprise Osake. Voilà. Et ben je vous souhaite de très bonnes vacances, de bien profiter, et surtout à la rentrée. Sayonara à tous.